Tu n'as pas choisi le plus grand, ni le plus fort des royaumes, mais un peuple petit et fragile pour y déposer ton trône. Tu dis que l'élection vient de l'amour et non du mérite ou du nombre, et que la fidélité de Dieu éclaire même les chemins sombres. L'amour précède la paix. Tu nous as choisis par amour et non pour ce que nous valons. Tu as posé ta grâce sur nos vies avant même nos décisions. Tu nous as choisis par amour pour porter ton nom dans ce monde, et la faiblesse devient un trône quand ta puissance y répond. Ton nom dans ce monde, et la faiblesse devient un trône.